petit Jean-Guille, je parle de toi parce qu'avec tes tout petits bras, tes petites mimines, tu as effacé de ma vie tous les moments moroses. Petit Jean-Guille, toujours là pour toi, car tu as besoin de nos bras pour tes petites tartines. Une fête aussi jolie dont tu es la cause. On fait de la Jean-Guille et on mange des tartines, on fait n'importe quoi. Pour un boulanger qui fait dorer son pain dans un four à pizza. Depuis toujours meilleur boulanger du bois. Petit Jean-Guille, gare à ton transit, la margarine c'est plutôt gras, ne te rends pas malade. Rejoins notre balade où se mêlent nos cris pour toi. Petit Jean-Guille, tu dis que le beurre, c'est bien ce qu'il y a de meilleur, riche en oméga 3. Je suis d'accord avec toi, tous ensemble on grossira. Faites la Jean-Guille et on mange des tartines, on fait n'importe quoi. Pour un boulanger qui fait dorer son pain dans un four à pizza. Tout cet amour qui résonne dans ta cour. Dans la pénombre de ton cul, petit Jean-Guille, nous entends-tu? N'attends plus que toi pour partir. Dans la pénombre de ton cul, petit Jean-Guille, nous entends-tu? On n'attend plus que toi pour partir. Faites la Jean-Guille et on mange des tartines, on fait n'importe quoi. Pour un boulanger qui fait dorer son pain dans un four à pizza. Depuis toujours meilleur boulanger du bourg.